Premier livre des Chroniques, chapitre 11. Et tous ceux d'Israël s'assemblèrent auprès de David à Hébron, et lui dirent, « Voici, nous sommes tes os, et ta chair. Et même si devant, quand Saül était roi, tu étais celui qui menait et qui ramenait Israël. Et l'Éternel ton Dieu t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le conducteur de mon peuple d'Israël. » Tous les anciens donc d'Israël vinrent vers le roi à Hébron, et David prêta alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël, suivant la parole que l'Éternel avait proférée par le moyen de Samuel. Or David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus, car là étaient encore les Jébusiens qui habitaient au pays. Et ceux qui habitaient à Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David prit la forteresse de Sion, qui est la cité de David. Car David avait dit, « Quiconque aura le premier frappé les Jébusiens, sera chef et capitaine. » Et Joab fils de Tseruya monta le premier, et fut fait chef. Et David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appelait la cité de David. Il bâtit aussi la ville tout alentour, depuis Milo jusqu'aux environs, mais Joab répara le reste de la ville. Et David allait toujours en avançant et en croissant, car l'Éternel des armées était avec lui. Ce sont ici les principaux des hommes forts que David avait, qui se portèrent vaillamment avec lui, et avec tout Israël, pour son royaume, afin de le faire régner suivant la parole de l'Éternel touchant Israël. Ceux-ci donc sont du nombre des hommes forts que David avait, Jasobam fils d'Acmoni, chef entre les trois principaux, qui l'encensa à hallebarde contre 300 hommes, les blessa à mort en une seule fois. Après lui était Éléazar fils de Dodoaoïte, qui fut un des trois hommes forts. Ce fut lui qui se trouva avec David à Pas d'Amim, lorsque les Philistins s'étaient assemblés pour combattre, or il y avait une partie d'un champ semé d'orge, et le peuple s'en était fui devant les Philistins. Et eux s'arrêtèrent au milieu de cette partie du champ, et la garantirent, et battirent les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une grande délivrance. Il en descendit encore trois d'entre les 30 capitaines près du rocher, vers David, en la caverne d'Adullam, lorsque l'armée des Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. Et David était alors dans la forteresse, et la garnison des Philistins était en ce même temps là à Bethléem. Et David fit un souhait, et dit, « Qui est-ce qui me ferait boire de l'eau du puits, qui est à la porte de Bethléem ?» Alors ces trois hommes passèrent tout au travers du camp des Philistins, épuisèrent de l'eau du puits qui était à la porte de Bethléem, et l'ayant apportée, la présentèrent à David, qui n'en voulut point boire, mais la répandit à l'honneur de l'Éternel. Car il dit, « À Dieu ne plaise que je fasse une telle chose. Boirai-je le sang de ces hommes qui ont fait un tel voyage au péril de leur vie, car ils m'ont apporté cette eau au péril de leur vie, ainsi il n'en voulut point boire. » Ces trois vaillants hommes firent cette action-là. Et Abisaï frère de Joab était chef des trois, lequel l'encensa à hallebarde contre 300 hommes, les blessa à mort, et il fut célèbre entre les trois. Entre les trois il fut plus honoré que les deux autres, et il fut leur chef, cependant il n'égala point ces trois autres. Benéja aussi fils de Jéhojada, fils d'un vaillant homme de Kabtséel, avait fait de grands exploits. Il tua deux des plus puissants hommes de Moab, et il descendit et frappa un lion au milieu d'une fosse, en un jour de neige. Il tua aussi un homme égyptien qui était haut de 5 coudées. Cet égyptien avait en sa main, une hallebarde grosse comme une ensuble de tisserand, mais il descendit contre lui avec un bâton, et arracha la hallebarde de la main de l'égyptien, et le tua de sa propre hallebarde. Benéja fils de Jéhojada fit ces choses-là, et fut célèbre entre ces trois vaillants hommes. Voilà, il était honoré plus que les 30, cependant il n'égala point ces trois-là, et David l'établit sur ses gens de commandement. Et les plus vaillants d'entre les gens de guerre furent, Azaël, frère de Joab, et Elhanan fils de Dodo, de Bethléem, Samotarorite, Elepelonien, Ira fils d'Ictécoïte, Abiézé Anatotite, Sibekaï Uzatite, Ilaï Aoïte, Maharaï Netophatite, Elet fils de Baana Netophatite, Itaï fils de Ribaï, de Giba des enfants de Benjamin, Benéja Piratonite, Uraï des vallées de Gara, Abiel Arbatite. Azmavet Barumite, Eliash Bassa Albonite, des enfants de Azanguizonite, Jonathan fils de Sagéhararite, Ayam fils de Sakararite, Éliphal fils d'Uer, Éphémé Kératite, Aïja Pélonien, Etsro de Carmel, Naharaï fils d'Esbaï, Joël frère de Nathan, Mibar fils d'Agri, Tsolé Ammonite, Naharaï Bérotite, qui portait les armes de Joab fils de Tseruya, Irajitrite, Garebjitrite, Uri Étien, Zaba fils d'Alaï. Adina fils de Sisa Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Anan fils de Maaka, et Josapha Mitnite, Uzija Astératite, Sama et Jaïel fils de Tabaroérite, Géliaël fils de Sinri, et Joa son frère, Titsite, Eliel Amavim, Jéribaï, et Josavia enfant d'Elnam, et Jikma Moabite, Eliel, et Obed, et Jaziel de Metsodaja.